Donc, précisément, Stéphanie Smadja va nous présenter un bon projet d'association, Sorbonne Paris Cité. Donc, je suis élue au CA de Paris Diderot et cette présentation est le fruit d'une réflexion collective des membres de la liste Ensemble pour d'autres possibles qui est soutenue par le SNESUP et qui s'est présentée aux récentes élections à Paris Diderot, donc les élections pour les conseils centraux. Pour les enseignants-chercheurs, c'était le 27 mars 2014. Deux listes étaient opposées, donc celle que j'ai citée, dont les deux têtes de liste étaient Michel Delamarre, qui est professeur en chimie et ancien président de l'Université Paris Diderot, et Cécile Sakai, qui est professeur à l'UFR de littérature et civilisation d'Asie orientale. Donc c'était la liste Ensemble pour d'autres possibles. Et de l'autre côté, nous avions Construire aujourd'hui l'Université du futur, portée par Christine Clérici, qui est PUPH dans le domaine de la santé, donc. La campagne s'est en fait principalement fondée sur le débat qui nous occupe aujourd'hui, dans la mesure où la liste de Christine Clérici prônait la commune et la nôtre, l'association. Nos arguments, donc les arguments de la liste Ensemble pour d'autres possibles, trouvaient en partie, mais pas seulement, leur source dans un rapport très détaillé qui a été établi par une commission de consultation sur le projet à l'époque, donc la commission s'appelait, sur le projet d'université unifiée Sorbonne-Paris-Cité. Cette commission, où se trouvaient notamment deux membres élus maintenant de notre liste, à savoir Michel Delamarre et Caroline Hartmann, mais aussi deux représentants du personnel administratif et deux étudiants, a été mise en place en juillet 2012 et a rencontré une partie assez représentative de la communauté de Paris Diderot jusqu'à mars 2013. De ces travaux est ressorti donc un rapport assez détaillé et notamment, où apparaît très clairement, notamment l'idée d'un refus massif de la fusion. Du reste, les membres des deux listes d'enseignants-chercheurs s'étaient prononcés publiquement et à plusieurs reprises contre la fusion. Quels ont été les résultats des élections du 27 mars à Paris Diderot? Sur l'ensemble des enseignants-chercheurs, donc professeurs et maîtres de conférences, des trois secteurs, lettres, sciences et santé, ont voté pour notre liste, OCA 37,9%, OCR, à l'ACR 37,3% et OCVU 35,7%, soit globalement 36,96%. Alors maintenant, si on entre dans le détail, donc plus précisément, le secteur lettres a voté pour la liste Ensemble à 60%, 49% en A et 65% en B. Le secteur sciences à 55%, 44% en A et 62% en B. Et le secteur santé n'a voté qu'à 5% pour notre liste. Nous ne sommes donc pas majoritaires à l'issue de ces élections et nous le reconnaissons sans ambiguïté. Nous avons 5 élus au CA, 8 élus à la CR et 4 élus au CFVU. Christine Clérici, de façon tout à fait logique, donc à la suite de ces résultats, a été élue présidente de l'Université Paris Diderot le 5 mai 2014. Notre liste, prenant acte de ces résultats, n'a pas volontairement présenté de candidature pour la présidence l'université. Pour autant, notre représentativité est réelle dans deux des trois grands secteurs de l'Université Paris Diderot, université dont la pluridisciplinarité a été menée à son meilleur niveau dans tous les domaines et donc fait son originalité et sa réputation depuis sa fondation en 1970. Donc, comme je l'expliquais, c'est volontairement que nous n'avons pas présenté de candidat pour la présidence. En revanche, de notre point de vue, il est vraiment fondamental de distinguer le législatif et l'exécutif. Donc, d'un côté, les conseils centraux élus qui sont appelés à exercer une fonction législative et une fonction de contrôle, tandis que la présidence et les vice-présidents et l'équipe, en fait, qu'elle nomme, s'inscrivent dans le domaine de l'exécutif. Par conséquent, nous avons proposé des candidatures aux vice-présidences des trois conseils, Cécile Sakai pour le CA, Jean-Christophe Lacroix pour la CR et Maximilien Casayous au CFVU, qui a été élu. Au CA, nous nous retrouvons dans une position de minorité assez nette. Je vous l'ai dit, nous sommes cinq, donc si l'on considère les chiffres. nous souhaitons y instaurer un débat véritablement constructif. Séance après séance, on a une séance par semaine et on en aura deux certaines semaines. Donc séance après séance, nous n'avons de cesse de jouer un rôle de vigilance, si je puis dire, mais aussi de nous constituer en force de proposition. L'une de nos premières demandes a été d'insister sur la demande d'un moratoire pour le vote des statuts de Sorbonne Paris-Cité. Et nous continuons d'espérer que cette demande portera ses fruits. Au dernier CA, de plus, Cécile Sakai a pu présenter en une dizaine de minutes notre projet d'association. Et nous en avons débattu pendant une heure. Donc c'est un temps évidemment très court, qui ne suffit absolument pas pour un débat approfondi. Néanmoins, c'était la première fois que l'association était véritablement abordée en tant que telle au CA de Paris Diderot. Et c'est ce projet d'association que je vais vous exposer à mon tour, me faisant donc le relais d'une parole collective, je le rappelle. Pour information, donc ce projet, nous avons élaboré un projet de convention d'association Sorbonne Paris Cité, dont la dernière version date du 23 mars 2014. Je vous ai distribué en polycopié, certains sont arrivés en retard, donc il en reste devant. On sont arrivés en cours de route. Les réflexes. Certains sont arrivés en retard et en plus se sont mis au fond de l'amphithéâtre. Donc un résumé dans le polycopié, un résumé de ce projet de convention qui est évidemment en cours d'amendement et de vérification juridique et qui n'est pas du tout un projet définitif, bien sûr. Notre liste, de toute façon, n'a donc pas été majoritaire, mais qui peut éventuellement offrir une base de réflexion sérieuse à qui s'intéresse à l'association. Et le projet en entier peut être téléchargé sur notre site qui est indiqué sur le polycopier, donc www.autrepossible.com. Quels sont, de notre point de vue, les principaux avantages de l'association ? Donc, Sorbonne Paris Cité comporte à l'origine 8 établissements, pardon, 4 universités, Paris 3, Paris 5, Paris 13 et Paris 7, mais aussi l'INALCO, Sciences Po, l'EHESP et l'IPJP. Donc, ça a été beaucoup discuté. 3 modes de regroupement sont prévus. Je vous l'ai dit, à Paris Diderot, la fusion a été nettement refusé par la communauté et au-delà évidemment de Paris Diderot dans l'ensemble du presse. C'est une hypothèse qui est désormais écartée et en théorie un choix entre les deux autres membres de regroupement est possible en accord avec le cadre de la loi. Les COMUE, de notre point de vue, correspondent vraiment à un projet ministériel, ça vient d'être redit et ça a déjà été dit beaucoup, de réduire à une trentaine de pôles universitaires, donc les 85 implantations actuelles. Rien ne garantit en soi la pertinence d'un tel programme qui, selon nous, procède de choix technocratiques et schématiques inadaptés pour une situation complexe. A minima, il faudrait organiser une évaluation sincère de cette situation. Une comparaison avec la légitimité de la voix fort en 1968, qui était parfaitement adaptée pour le coup aux attentes de l'époque, permet de comprendre combien les mesures prises aujourd'hui en haut lieu sont inadéquates. Face à des injonctions qui doivent être relativisées, une stratégie alternative est possible. La nécessaire transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche au XXIe siècle doit absolument procéder d'une véritable vision d'avenir. Pour cela, la région Paris-Île-de-France, il nous semble, ne peut pas être pensée sur le même mode que les territoires de province. Un bilan des réformes engagées depuis la loi LRU est nécessaire et permettrait de déterminer l'opportunité de cette énième réforme. Donc, je vous l'ai dit, on a demandé un moratoire et vous savez, les demandes de moratoire donc, se multiplient ces derniers temps et les prises de position au niveau national. Et cette demande de moratoire pourrait permettre de réfléchir à une alternative entre associations et communes. Alors, 4 raisons, mais évidemment, il en est bien d'autres de choisir l'association. Première raison, la simplification et l'harmonisation à moindre coût. Si nous pouvons nous accorder sur un objectif de coopération et de simplification de strates structurelles, donc je reprends les termes de Madame Fioraso dans une séance du Sénat du 21 juin 2013, actuellement, la mise en œuvre de la COMUE Sorbonne-Paris-Cité s'achemine à l'inverse vers un établissement de grande taille qui est doté d'un CA qui peut en modifier les statuts sans validation préalable par les CA de chaque établissement. L'association Sorbonne-Paris-Cité offrirait un mode de regroupement plus simple, plus clair et plus démocratique. D'abord, elle ne suppose pas un empilement de structures, donc on n'a pas d'ajout d'une couche supplémentaire, pas de CA, pas de conseil académique, ni de conseil des membres au niveau A-SPC. Cette simplicité alliée à de multiples possibilités d'associations et de conventions nous semble éminemment souhaitable. Les établissements pourraient passer entre eux des conventions pour les compétences qu'ils souhaitent partager ou mettre en commun. Chacun conserverait sa décision, ses capacités de décision et pourrait décider de son avenir. Certaines UFR chez nous, dans SPC, souhaitent un rapprochement structurel fort, et c'est un argument qui nous a été souvent opposé, notamment les UFR d'odontologie de Paris Diderot et de Paris Descartes. Le projet d'association n'empêche absolument pas ce type de regroupement structurel. On pourrait très bien, avec l'accord évidemment des présidences et des CA respectifs, définir cette association sur le mode, par exemple sur l'exemple des UMR multitutelles. L'association, de notre point de vue, constitue donc un mode de regroupement aux prérogatives et aux périmètres clairs. Si dans la COMUE les statuts peuvent être révisés par le CA de la COMUE sans validation par les membres, les CA des universités et des établissements restent pleinement décisionnaires dans le cas de l'ASPC. Deuxième raison de choisir l'association. L'association permet de construire une université, participe de l'idée d'une université démocratique à taille humaine. La COMUE va impliquer nécessairement un éloignement du centre de décision. A l'inverse, l'association Sorbonne-Paris-Cité préserve une proximité qui est essentielle pour une prise de décision à la fois respectueuse des principes démocratiques et, il ne faut pas l'oublier, du facteur humain. Que serait par exemple une politique RH gérée au niveau d'une superstructure de si grande taille ? Comment garantir au personnel qu'il n'y aura ni création de plateformes communes, ni suppression de postes ou de mutations non désirées des établissements vers la COMUE ? Comment croire que les étudiants seraient encadrés dans des conditions plus propices à leur réussite dans une structure gigantesque qui va regrouper plus de 100 000 étudiants ? En outre, si l'on reprend les dires même du ministère dans une réponse à la CPU, je cite, « L'association relève d'une approche confédérale avec des compétences non plus transférées, mais partagées. » Ainsi, l'association, qui définit son volet partagé d'un commun accord entre les établissements, garantit-elle l'absence de transfert de compétences ? En revanche, ça vient d'être rappelé, les COMUE ont été clairement conçus dans l'optique d'un transfert de compétences, même si certaines COMUE, effectivement, tendent à ressembler au modèle associatif et même si on annonce qu'il n'y aura pas forcément de transfert de compétences dans les COMUE. En tout état de cause, de toutes les structures, ASPC, donc la structure associative, est celle qui garantit une prise de décision rapprochée de la base, seule susceptible de préserver les droits de chacun. Troisième raison, l'association est une structure souple et adaptable. Tels que sont actuellement proposés les statuts d'une future COMUE Sorbonne-Paris-Cité, celle-ci, on vient d'en reparler, relève vraiment d'un choix quasiment irréversible. À l'inverse, l'association apparaît comme une possibilité réversible, une structure souple et adaptable. L'Île-de-France représente une particularité dans le paysage universitaire français et nous savons que les presses parisiens ont pour la plupart été construits de manière aléatoire, sans unité ni cohérence géographique ou thématique. Plutôt que d'accentuer ce découpage arbitraire, l'association permet plus facilement d'élargir ou de réduire le nombre de ses membres, de modifier son périmètre, d'impulser de nouvelles stratégies scientifiques comme pédagogiques, après validation du projet commun par les présidences et les CA des établissements associés. Plus souple, moins fermée à l'extérieur, elle est ainsi plus adaptée à Paris-Île-de-France, où le réseau de coopération est dense et multiple. Quatrième raison, l'association permet une coordination plus égalitaire. Alors, pendant la campagne, on nous a beaucoup critiqué sur le thème du chef de file. L'association suppose un coordinateur en Île-de-France, seulement en Île-de-France. Pourquoi ne pas envisager, c'est ce que nous avons proposé, un coordinateur tournant. Ce rôle ne doit pas être, de notre point de vue, un rôle de décision, mais un rôle de représentation. L'ensemble des établissements partenaires est informé et consulté sur toutes les modifications qui affectent le volet partagé. La coordination et la gestion peuvent être assurées par un conseil des représentants. Nous avons proposé 5 membres par établissement, le président ou le président, la présidente ou directeur ou directrice, 2 enseignants-chercheurs, 1 membre du personnel BIATS, 1 représentant étudiant, soit pour les 8 établissements, 40 membres en tout dans ce conseil des représentants. Ce conseil des représentants élirait un bureau composé d'un seul représentant par établissement afin d'assurer la permanence et d'assister la présidence tournante de l'association Sorbonne Paris Cité. Cela permettrait donc les présidences tournantes pourraient durer 1 an et le fait d'avoir un conseil de représentants et un bureau permettrait d'assurer une continuité au sein de cette association. Dans cette projection, autre reproche qui nous a beaucoup été fait, on ne perd pas l'IDEX. L'IDEX est conservé, puisque l'association fait bien partie des 3 modes de regroupement prévus par la loi. L'IDEX est conservé et il est géré dans le cadre du volet partagé, dans la mesure même, donc je viens de le dire, où l'association fait partie des 3 modes de regroupement prévus. L'horizon d'attente de notre projet... Il me reste combien de temps ? 3 minutes. D'accord. L'horizon d'attente de notre projet serait de proposer un réseau de recherche à l'échelle Île-de-France. Donc notre projet n'a pas pour seul objectif d'éviter la superstructure de la commune qui siphonnerait les établissements. Il ne s'agit pas de s'arc-bouter sur nos acquis par crainte d'un avenir incertain. L'association Sorbonne Paris Cité, pour nous, peut favoriser le développement de grands réseaux de coopération en recherche et en formation à l'échelle de Paris ou de l'Île-de-France. Un système de réseau qui serait interconnecté, souple et en constante évolution face aux défis scientifiques et aux enjeux sociétaux. Voilà, selon nous, le véritable avenir des universités de Paris-Île-de-France. Seule solution pour valoriser et continuer de développer l'ensemble des spécificités scientifiques et pédagogiques de cette région. Il s'agit bien là d'une politique de site et de maillage territorial. Pour conclure, la COMUE peut très vite se transformer en une étape qui prépare à la fusion et le ministère, du reste, ne cache nullement sa volonté d'aller dans ce sens. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à court terme entre associations et COMUE, mais aussi vraiment à moyen et à long terme. Tandis que l'association offre une structure souple, modulable, démocratique, simple et claire, la COMUE ne présente à l'heure actuelle, en tout cas dans ce périmètre, aucune garantie contre des transferts éventuels de compétences menant à moyenne échéance à une fusion. Supposons qu'il n'y aura pas de fusion pour les 4-5 ans à venir, le prochain contrat. Que sera cette COMUE dans 5 ans ? Que sera cette COMUE dans 10 ans ? Une telle évolution, qui pourrait très vite revenir d'actualité, donc la fusion, serait contraire aux engagements qui ont été pris par les 2 listes élues à Paris Diderot et terriblement mal vécues par la majorité des personnels. Au contraire, comme Mme Fioraso elle-même l'a reconnu, encore une fois, dans cette même séance du Sénat que j'ai déjà citée, l'égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association. La défense d'universités autonomes à taille humaine suppose que le débat soit largement ouvert et que l'association soit examinée en détail, c'était l'objectif de cette journée notamment, à égalité avec la COMUE, afin de peser clairement le pour et le contre, les enjeux et les implications d'un choix qui conditionne très fortement notre avenir pour plusieurs années. Face aux conséquences d'un tel choix, nous voulons prendre le temps de la réflexion et du débat et nous espérons vivement, je l'ai dit en introduction, que les demandes de moratoire qui se multiplient donc au niveau national avec la motion du CNESER le 19 mai, les votes des CA de Rouen et le 20 mai et de Poitiers le 23 mai, dans des textes les motions sont quasiment similaires pour les 2 CA que j'ai cités, donc nous espérons que ces différentes demandes vont aboutir à un niveau maintenant national.